et vous le dire, chimplamin, que l'obraillot en rasu de tornet sartsen trarachina. Quedez-a la preuve que reconnaissant la vidan et l'originalité de notre petit pays et de l'Auvergne. Et ce chint en français, maïsa banquissant d'Auvergne et d'obraillot moitu. Che tut à l'homme et tut à la fin à d'Auvergne, se reconnichant sur la main français, et chez pardion que la conscience d'être mouettu auvergnat, l'Auvergne t'sabaya d'exister. La poire m'a être une province différente de la autre, che, à t'sa que je ne rachau, d'homme et de la fin à se reconnaissant auvergnat. L'OFAN que naissant à neu, seront bien mieux européens que français, si ne se méfient pas. Et ils seront tués au Varnian, n'arme pour eux sauvres. Notre effet le sont des à moins que ma dzenarachau, puisqu'ils n'inconnissent pas la ying. À tsatun, là d'vendu de tsoji, être européen sans doute, français autant que pouchoul, et au Varnian mouetu, chenin tsoji de l'être, et de l'être inconscience. La dzenerachau d'Obraio a tsoji, et d'un bel œil renaissent un petit piau le pays braio et l'Auvergne. Yau et me chinte français, comme un pète sa part d'aimer mon petit pays et l'Auvergne. Y est l'imprêchau caneux, de Berlin à Lisbonne, en passant par Paris, Palome et la fin de la Viela, ou d'Ovialadze, la moda de Sunze, la passue de Viao, de se yudze, de se nori, de se biller, devenant tordu la même. La vie d'un anec mieux pauvre est tordu par air, puis tricade. Quepacou qui souhaite qu'après l'Obraio, d'autres adzenerachas ou perpétuons qui conservent ou fassent sortir du passant de notre province, son histoire, soare, sa tradition, sa coutume, sa résolvissance. Saint Pacou être réactionnaire, non. Faut pas regretter le bienfait de l'invêche moderne, qu'on doute à la peine et la souffrance d'homme. Mais refuser d'être tordu de même, tu essayais pas sauver ce que pouvait une cralêtre, ce que fouait notre originalité de français, d'Auvergnat et même de Braillot. Accouchera sans doute tordu mieux malaisant, m'accouchera une crame mieux nécessaire.